Mais moi je la tiens, je fume et paille tranquille. Dans le rap je suis loin, je m'en bats de ce que les gens disent. Je vis ma vie de boss, boss dans les Antilles. Je vis ma vie non stop en toute franchise. Dis-moi qui peut t'être, dis-moi mais dis-moi mais dis-moi, dis-moi qui peut t'être. Dis-moi mais dis-moi, dis-moi qui peut t'être. Dis-moi mais dis-moi, dis-moi qui peut t'être. Je suis le best, dis-moi qui peut t'être. Dis-moi mais dis-moi, mais dis-moi,